Le pourboire. Прослушайте текст и объясните, как появилась легенда о носильщике, бегущем за автобусом. J'ai décidé d'apprendre le français parce qu'une histoire désagréable m'est arrivée un jour en France. Maintenant, je ne veux plus tromper personne, comme j'ai fait sans le vouloir. C'était les grandes vacances. Je suis parti en voyage et je suis descendu dans un bon hôtel sur la Côte d'Azur. Ma chambre donnait sur la mer. La vue était splendide. Les voiliers, les nageuses, des parasols. J'ai passé des heures près de la piscine à bavarder. Mon congé a vite fini. L'heure de rentrer aux États-Unis est arrivée bien trop tôt. Je venais de monter dans l'autocar où le porteur avait mis mes valises. Soudain, j'ai entendu la voix d'un jeune homme. « Et le pourboire, s'il vous plaît, monsieur ?» Parce que je ne savais pas ce mot, je lui ai montré mon passeport. « Non, monsieur !» il a répété. « Le pourboire !» J'ai sorti mon permis de conduire, mais le porteur a répété les mêmes mots. « Le pourboire !» Le chauffeur a fermé la porte de l'autocar, pendant que moi, je cherchais le pourboire dans toutes mes poches. L'autocar a démarré lentement. Par la fenêtre, j'ai montré ensuite mon certificat de vaccination et ma carte de sécurité sociale au garçon. Mais il nous a suivis en criant « Mon pourboire, mon pourboire !» L'autocar a roulé plus rapidement. De loin, j'ai vu le porteur qui criait en courant « Mon pourboire, mon pourboire !» J'ai l'intention de retourner sur la Côte d'Azur l'année prochaine pour payer ce pauvre gars. On m'a dit qu'il court toujours le long de la rue en criant « Mon pourboire, monsieur, mon pourboire !»